L'emprise c'était, et une marche en avant, en direction d'un monde de faux semblants. Leur estime se résume à votre argent. On modèle vos idées, évidemment, elles vous maintiennent. Adulte, enfant, personne n'est épargné. Et sous le refus d'être désolé, la peur de rester seul, abandonné, annule leur volonté de liberté, parce qu'ils sont sentez les ténèbres vous gagner, la dure réalité vous étouffer, allumez la lumière et vous verrez. Sortez, amusez-vous et respirez, ne soyez jamais sous-emprise. Ne soyez